Chez Dolbo Auto, pendant le Festival du Bleuet, on vous offre le Silverado 1500, cabine multiple, 0% de financement pendant 72 mois, plus 5 000 $ de crédit, incluant 1 500 $ pour le propriétaire actuel du camion, ou le Colorado, 1,99% financement à l'achat pendant 60 mois, plus 1 250 $ de crédit et un spécial s'ajoute pour tous les membres Costco. Le propriétaire Stéphane Fortin désire souhaiter un bon Festival du Bleuet et invite toute la population à participer aux différentes activités. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 276-05-80. Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Samuel Girard. Samuel Girard qui a signé une entente, c'est annoncé ce matin, une entente de 7 ans évaluée à 35 millions avec l'Avalanche du Colorado. On parle d'un contrat qui va lui rapporter 5 millions par année. Samuel Girard l'an passé a amassé 27 points avec l'Avalanche du Colorado. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Louis Aubin, qui est responsable du club de Golf Québec dans la région. Et il mentionne que les clubs de golf vont quand même assez bien jusqu'à maintenant. On a de belles journées, puis on a de la pluie la nuit. Ouais. Ce fait que nos terrains, c'est pas parfait favorable pour la qualité des terrains, c'est-à-dire que, les terrains ont des conditions parfaites pour la pousse. Pour avoir planté quelques terrains en région, presque la totalité, là, ça, là, j'ai pas fait du côté des lacs Saint-Jean, parce qu'il n'y avait pas encore ces 18 trous, mais tous les terrains montrent des qualités quand même bonnes, même très bonnes. Puis bon, le soleil étant le plus bel ou le meilleur animateur qui existe sur la Terre, l'achalandage se fait aussi. Évidemment, il y a des secteurs à lesquels je n'ai pas la carte de visite de tout le monde. Mais il semble que ça va bien un peu partout dans la région par rapport au golf, par rapport aux journées jeux qui sont faites dans chacun des clubs, avec des qualités intéressantes, puis surtout du beau. Dans le deuxième temps, Louis Aubin mentionne évidemment que du côté des efforts qui ont été faits par les différents clubs de golf dans la région, et surtout à Saint-Prime, ça commence à donner des résultats. À Saint-Prime, il y a eu un programme qui est depuis 3, 4, 5 ans environ, qui est mené de bras de fer par Jonathan Lambert. Ben, cette année, là, j'oublie son nom malheureusement, mais cette année, ils ont une jeune fille qui est là, qui commence à percer, puis d'après moi, va avoir un bel avenir au niveau de la compétition et régionale et peut-être même provinciale. Là. Donc ça, c'est le fun. Tu vois que là, il y a des graines qui sont semées, puis ces graines-là font en sorte que les gens qui aiment le golf, les jeunes qui apprennent à jouer au golf, puis le pratiquent, ils vont venir jouer éventuellement plus tard. Et ça fait aussi jouer leurs parents, puis ça fait jouer leurs grands-parents. Et tout ce monde-là, de soccer, maintenant, il y avait des matchs dans les différentes ligues de soccer du secteur. D'abord, dans la U14 masculin, victoire de Jean Dumas, 5-1 sur le Mistral de Jonquière. Senior féminin, division 1, l'attaque de Saint-Prime a défait l'FC de Saint-Félicien 3-0. Et maintenant, du côté de féminin, division 1, victoire des Chinooks 5-0 contre la formation du FC Jean Dumas. Et le Chinook de Chicoutimi a gagné 2-1 contre la formation de FC de Saint-Félicien. Et je termine avec de la Balmolle à Robertval. Il y avait des matchs hier, encore une fois, dans la Ligue de Balmolle de Robertval. Donc, faites à noter qu'il y avait des matchs hier. Et victoire d'abord dans un premier temps pour la formation de Zodiac 9-6 contre le Garma. Piazzato-Roussel 16, Megavac 2 et Saint-Hubert a défait AEW 14-10. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Louis Aubin, on parle de l'état du golf dans la région. Également, c'est avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer, où on parle évidemment de l'actualité dans le monde du soccer. Et vous pouvez écouter Jacques Lanciot qui nous parle évidemment des joueurs de de baseball qui, québécois qui évolue dans le secteur du baseball affilié. Sport local et régional, à danadosport.com, on s'en occupe.